Yo Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que ça va, Jean-Pierre? Jean-Pierre, est-ce que tu connais David? J'entends la batterie. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre François ce soir, en exclusivité sur Linbot Radio. Jean-Pierre François à la batterie. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions, ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, oh, ce que je n'ai jamais dit. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir, était plus forte que la raison. Ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri. Dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire,